dans ton coin, tu te marres en douce, y a le soleil sur ta frimousse, petit brugnon. Dans ton coin, tu te marres tout seul, tu t'amuses à me faire la gueule, petit brugnon. Fais pas le con, petit brugnon. T'as 13 balais dans les bottes, t'es pas mon fils, t'es mon pote, petit brugnon. J'ai plus l'âme d'un Don Quichotte, mais je craquerai mes fonds de culotte sans façon, petit brugnon. T'as la tronche pleine de ta selle, dans tes jeux je me fais la belle, petit brugnon. On s'éclate sur nos bécanes, tu me balances ta dernière vanne, petit brugnon. Je suis marron, petit brugnon. Quand la vie te fera des crasses, tu marcheras loin de tes godasses dans la boue. Viens visiter ma vieillesse, je te raconterai la tendresse entre nous, petit bilou. Tu ne seras jamais mon fils, t'es mieux que ça, t'es mon complice, petit brugnon. Dans ton coin, tu te marres tout seul, cesse un peu de me faire la gueule, petit brugnon. Fais pas le con, petit brugnon.